toi, je vends Samantha. Samantha, Samantha, à cause de toi j'ai fini lamentable. Samantha, Samantha, c'est Koh Lanta dans les calanques. Samantha, Samantha, Samantha, Samantha. Samantha, je vais te faire du salamis. Quand je pense à toi, j'ai la queue en feu comme salamèche. Ma chérie, c'est toi que je veux juste seulement. Plutôt timide pour parler, j'attends le bon moment. Bon moment, ouais, juste le bon moment. Go Samantha, gamanzo vraiment. Gamanzo vraiment. Samantha, ton boule me fait bégayer. Mes soucis pour l'avoir, c'est qu'il faut l'oseiller. Elle est peur, mais c'est qu'une carte comme Zaya. S'il y a pas one, c'est pas la peine d'essayer. Elle veut du Zayo. Elle s'en fout de mariage, elle s'en fout de Zaya. Elle crée des baillas. Car elle brille plus que les diamants du Zahir. Diamant du Zahir, diamant du Zahir, diamant du Zahir. Diamant du Zahir, diamant du Zahir, diamant du Zahir. C'est vrai que t'es. Quand je te vois, j'arrive plus à parler. Pour toi, je sors le 9000. Et je tire sur celui qui veut me doubler. J'aime bien tes formes et tes rondeurs. Je te fais l'amour sur du Chris de Blair, Stevie Wonder. Y'a trop de mecs autour de toi qui font les bandeurs. Envie de sortir les larmes, de faire comme Highlander. J'en ai marre, faut que je me taille de là. Quand je sors le soir, qu'elle verse des larmes. Samantha, Samantha, t'es trop belle pour moi. Je peux rien t'offrir, c'est la fin du mois. Samantha, Samantha, au quartier je suis aimanté. Samantha, Samantha, j'vois, j'pense à toi et j'vois que ça monte. Samantha, Samantha, à cause de toi j'ai fini lamentable. Samantha, Samantha, c'est Koh Lanta dans les calanques. Samantha, Samantha, Samantha, Samantha. Oh Samantha, tu es toute belle. Quand je te vois, je me tire les cheveux. Et cette voix qui m'ensorcelle, je crois bien que c'est toi, moi, Samantha, que je veux. J'ai rêvé de toi cette nuit. En Y sur un Z2000. Au final, j'ai fini seul. Samantha, je me sens sourire. Samantha, elle me fait courir. Samantha, t'es mon petit bébé. Samantha, j'ai vu, je fais tes faits. Samantha, elle écoute mon CD. Samantha, Samantha, j'ai croisé un bas de chez moi. Elle a un boule, c'est la folie. La montre pas du doigt. Et je serre. Elle fait genre, elle veut RRR. J'suis dans la zone. Elle fait la fraîche, elle veut plaire. Toute la nuit, pas le temps de parler. J'lui fais des avances, elle veut que me recaler. Samantha est douce et jolie. J'bibi, j'l'emmène dans ma folie. Samantha, elle sait très bien que je suis instable. Samantha, Samantha, au quartier je suis aimanté. Samantha, Samantha, j'bois, j'pense à toi et j'vois que ça monte. Samantha, Samantha, à cause de toi j'ai fini lamentable. Samantha, Samantha, c'est Koh Lanta dans les calanques. Samantha, Samantha, Samantha, Samantha, Samantha.